Quand je pense à des personnages badass, je pense à Predator ou à Must, le dernier Samaritain, voire l'arme fatale. Bref, en gros, je pense Shane Black. Et encore mieux qu'un héros badass, une héroïne badass, et c'est tout ce qui nous attend ici, avec l'histoire de cette belle amnésique qui embauche un détective minable pour traquer ses souvenirs au même moment qu'un ancien ennemi la reconnaît à la télé. Et la machine s'emballe, un accident de la route lui renvoie des bribes de personnalité. Les assassins à ses trousses finissent de la réveiller dans un bain de sang, et la machination reprend de plus belle jusqu'à un climax fortement explosif. Ce film est une vraie montagne russe. Les situations explosives et invraisemblables s'enchaînent joyeusement les unes après les autres, ne tenant que par l'art de la punchline de Shane Black. Bien sûr, tout cela est rehaussé par la mise en scène légèrement bourrine et un peu over the top de Rennie Harlin, lui aussi au sommet de son art pyrotechnique. Bref, une série B d'action bien punchy qui met encore à l'amende bon nombre d'actionneurs actuels. CF 22 Miles, j'en parlerai plus tard.